Radiomatic. I'm L'ouverture de cette transmission 376 d'Audiomatique s'effectuait sur la musique de la formation Tackhead, composée notamment de Adrian Sherwood, Skip McDonald et Keith LeBlanc, tous des artistes connus de la scène dub underground. C'est avec leur projet Fat Comet, qui s'est rapidement converti à Tackhead, qu'ils ont mis leur talent créatif ensemble pour produire en 1985 un premier 12 pouces sous le nom Tackhead, 12 pouces duquel nous avons entendu la pièce titre Mind at the End of the Tether. C'est le duo allemand Al-Aka Sound System qui assure la continuité à Audiomatique. Translations lost. À Audiomatic, nous entendions le projet mexicain Murkoff mené par Fernando Corona. Il nous offrait sa composition Camino qui se retrouve sur son troisième album Remembranza, sorti en 2005. Et pour débuter, il s'agissait du duo allemand Al-Aka Sound System et la chanson Untitled, à laquelle participe Farda P, ou si vous préférez, Patrick Plummer. Cette pièce est extraite du premier album d'Al-Aka Sound System, intitulé Inevitable, lancé en 2003. Et Audiomatic se poursuit avec le projet Open Source de l'artiste grec Angelos Mavrov. We'll be right back. Everything. listening, it whispers to salvation. What can you look to now? Never thought there was truth to salvation. What can you look through now? How's it feel when the joke's on you? And your prayers only hopes to be camouflaged. Now you save your soul to the skin. Cause they sink when they walk on water. Talk of hell when you're earthbound now. I'll keep looking at the permanent stars. Come and meet me in the next war. Well, it's no excuse to be young. Always knew there was rules to salvation. What can you look to now? Never thought there was truth to salvation. What can you look through? À Audiomatic, nous venons d'entendre le groupe canadien Frontline Assembly avec sa pièce Next War, exclusive à l'album de remix Echoes, album qui offre des versions alternatives aux compositions originalement parues sur Echo Genetic, qui est sorti en 2013. Avant Frontline Assembly, nous écoutions le projet Psytrance Open Source et sa pièce Psycho Meditation, apparaissant sur son album Highly Motivated to Rock You, sorti en 2016. C'est au tour du duo écossais Silicon Soul de se faire entendre à Audiomatic.

not supposed to keep you warm. Barely I was with you all the year. It could be a fire on the snow. I will always think of avons offert à Audiomatic la musique du projet Ready Made FC, qui est l'incarnation de l'artiste français Jean-Philippe Verdin. De son dernier album Babylonia, paru en 2005, nous avons entendu la chanson Snow Lion, à laquelle a contribué la chanteuse canadienne Feist. Tout juste avant, c'était le trio danois Future Tree et Jonas Bjær, le chanteur de la formation Mew, qui nous interprétait la pièce A Sound, qui est parue sur l'album de Future Tree intitulé Like 3 petits points, sorti en 2001. Et pour débuter, nous avions droit au duo écossais Silicon Soul et sa composition Room 666 at the Deadly Hotel, que l'on peut retrouver sur son deuxième album Staring into Space. Et c'est sur la musique de Sagan Disease que se conclura cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous allons écouter, intitulée Scream, apparaît sur l'album Wild Masses Sleep, qui s'avère être la dernière parution du groupe en 2009. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 377, celle bien sûr qui suivra celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission 376 d'Audiomatic. La pièce, oui, ça, soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici donc, pour terminer, Sagan Disease et la pièce Scream. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.